les yeux, tout est bleu, j'ai perdu l'esprit, suis-je encore en vie? Je sens une présence, quelque chose d'étrange, une autre intelligence, c'est vraiment étrange. Je suis très inquiet, je suis dénudé, couché sur le dos, je suis paralysé, je me sens observé, que va-t-il se passer? Cette présence n'est pas humaine, ce sont des aliens. Je suis très inquiet, je suis dénudé, couché sur le dos, je suis paralysé, je me sens observé, que va-t-il se passer? Cette présence n'est pas humaine, ce sont des aliens! C'était des aliens, c'était des aliens. Ils m'ont dépecé, désossé, décapité, analysé. C'était des aliens, c'était des aliens. Ils m'ont dépecé, désossé, décapité, ensuite ils m'ont analysé.